Ovide, Les Pontiques, traduction 1838, sous la direction de Monsieur Nisard, livre 1, lettre 8, à Sévère. Ô Sévère, ô toi, la moitié de moi-même, reçois ce témoignage de souvenir que t'adresse ton cher Ovide. Ne me demande pas ce que je fais ici. Tu verserais des larmes si je te racontais en détail toutes mes souffrances. Il suffit que je t'en donne ici l'abrégé. Nous voyons chaque jour s'écouler sans un moment de repos, et au milieu de guerres continuelles, le carquois du jet y est l'aliment inépuisable des combats. Seul, de tant de bannis, je suis à la fois exilé et soldat. Les autres vivent en sûreté. Je n'en suis pas jaloux, et afin que tu juges mes vers avec plus d'indulgence, songe en les lisant que je les ai faits dans les préparatifs du combat. Près des rives de l'Isère au double nom, il est une ville ancienne que ses murs et sa position rendent presque inaccessible. Le Caspien Égyptius. Si nous en croyons ce peuple sur sa propre histoire, fut le fondateur de cette ville et lui donna son nom. Les jettes farouches l'enlevèrent par surprise aux Odrysiens qu'ils massacrèrent et poursuivirent ensuite leurs attaques contre le roi. Celui-ci, dans le souvenir de sa grande origine, redoublant de courage, se présenta aussitôt, entouré d'une armée nombreuse, et ne se retira qu'après s'être baigné dans le sang des coupables et s'être rendu coupable lui-même en poussant trop loin sa vengeance. Ô roi le plus vaillant de notre siècle, puisses tes mains glorieuses tenir à jamais le sceptre, puisses-tu, et mes souhaits pour toi ne sauraient s'élever plus haut, obtenir les éloges de Rome, fille de Mars et du grand César. Mais revenant à mon sujet, je me plains à mon aimable ami de ce que les horreurs de la guerre viennent encore se joindre à mes maux. Déjà 4 fois l'automne a vu se lever la Pléiade depuis que je vous perdis et que je fus jeté sur ces rives infernales. Ne crois pas qu'Ovide regrette les commodités de la vie de Rome, et cependant il les regrette aussi, car tantôt je me rappelle votre doux souvenir, ô mes amis, tantôt je songe à ma tendre épouse et à ma fille. Puis, je sors de ma maison, je me dirige vers les plus beaux endroits de Rome. Je les parcours tous des yeux de la pensée. Tantôt je vois ses places, tantôt ses palais, ses théâtres revêtus de marbre, ses portiques, un sol aplani, le gazon du champ de Mars, d'où la vue s'étend sur de beaux jardins, et les marais d'Euripe et la fontaine de la Vierge. Mais sans doute que si j'ai le malheur d'être privé des plaisirs de la ville, je puis du moins jouir de ceux de la campagne. Je ne regrette pas les champs que j'ai perdus, ni les plaisirs admirables du territoire de Pelligny, ni ces jardins situés sur des collines couvertes de pins, et que l'on découvre à la jonction de la voie Claudia et de la voie Flaminia. Ces jardins, je les cultivais, hélas, je ne sais pour qui, et j'y puisais moi-même, je ne rougis pas de le dire, l'eau de la source pour en arroser les plantes. On peut y voir s'ils existent encore ces arbres greffés par mes mains, et dont mes mains ne devaient plus cueillir les fruits. Voilà ce que j'ai perdu. Et plutôt Dieu qu'en échange, le pauvre exilé eût, du moins, un petit champ à cultiver. Que ne puis-je seulement voir paraître ici la chèvre suspendue au rocher? Que ne puis-je appuyer sur ma houlette, moi-même être le berger de mon troupeau, et pour disperser les chagrins qui m'obsèdent? Conduire les bœufs labourant la terre, le front comprimé sous le joug recourbé. J'apprendrai ce langage intelligible au taureau des jettes, et j'y ajouterai les mots menaçants dont on stimule ordinairement leur paresse. Moi-même, après avoir guidé, avec des efforts mesurés, le manche de la charrue et la voie enfoncée dans le sillon, j'apprendrai à jeter la semence sur cette terre retournée, et je n'hésiterai pas à sarcler le sol armé d'un long hoyau, ni à donner à mon jardin altéré une eau qui l'abreuve. Mais comment le pourrais-je, lorsqu'il n'y a entre l'ennemi et moi qu'un faible mur, qu'une simple porte fermée? Pour toi, lorsque tu naquis, les parcs, et je m'en réjouis de toute mon âme, filèrent des jours fortunés. Tantôt c'est le champ de Mars qui le retient. Tantôt tu vas errer à l'ombre épaisse d'un portique ou passer quelques rares instants au forum. Tantôt l'ombrie te rappelle, ou porté sur un char qui brûle le pavé de la voie appienne, tu te diriges vers ta maison d'Albe. Là, peut-être, formes-tu le vœu que César dépose enfin sa juste colère et que ta campagne me serve d'asile. Oh, mon ami, c'est demander trop pour moi. Sois plus modeste dans tes désirs, je t'en conjure. Mets un frein à leur entraînement trop rapide. Je demande seulement qu'on fixe mon exil dans un lieu plus rapproché de Rome et à l'abri de toutes les calamités de la guerre. Alors je serai soulagé de la plus grande partie de mes maux.